en couleur présente en grande première nord-américaine la pièce à l'affiche. C'est l'histoire de Sam, Avery et Rose, trois employés sous-payés qui travaillent dans une petite salle de cinéma. Il est question de cinéma, de triangle amoureux, de popcorn, de virage numérique, de Pulp Fiction, mais surtout d'authenticité. À l'affiche, récipiendaire du prix Pulitzer 2014. Un texte d'Annie Baker dans une traduction et une mise en scène d'Angélique Patterson. Du 25 février au 14 mars au Théâtre Premier Acte. Pour plus d'informations, visitez premieracte.ca. Bonsoir à vous, amateurs de musique progressive. C'est l'émission Terra Incognita. Nous sommes avec vous de 22h à minuit et vous êtes en compagnie de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et à l'animation Jean-François Lamarre. Et bien, pour débuter, on y va avec un bon groupe dont on n'entend pas parler depuis quelques années, mais qui avait frappé fort. Et ça, c'est leur deuxième album, là, The Black Chord. Je parle du groupe Astra. On entendra la pièce titre. Et un groupe qu'on aura l'occasion de voir à Québec dans les prochains mois, c'est le groupe américain Head with Wings. Ils ont un album qui s'appelle Worry to Shame. On entendra Trading Lightly. Et finalement, moi j'aime beaucoup ce groupe-là, un groupe norvégien, le George Show. Il avait sorti le très bon disque Jord. Ils ne sont pas très originaux pour ce qui est des titres, par contre. Hein. Et je vais vous laisser le titre comme c'est. Ça ressemble à du. Quoi que celle-là La Meg Forsome. Ça a de l'air anglais. En tout cas, ça n'a pas de l'air trop norvégien. Donc, on y va en musique avec le groupe Astra. Thank you.

CKRL 89.1 Québec. Ça se plaque pas bien sur le bord d'une table. Hey les boys, avez-vous écouté leur dernier disque? Hey, j'ai les frissons, j'ai le poil qui hisse. Ouais. Ici Jessie Caleb. Ce mardi 25 février, c'est ma fête, alors rejoignez-moi pour Sortie culturelle à la Korrigane de 17h30 à 19h30. Au programme, Thomas Bélair-Ferland en entrevue et prestations. Maud Bernier au concours Talent en scène, Marie-Ève Lessine nous présente son livre « Entreprendre en conscience, l'indispensable pour développer l'autre sens des affaires ». Soyez avec nous au 380 rue Dorchester, vous pourrez gagner des prix de présence. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyne Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Rosemary McComo jette les premières bases de son mini-album à venir l'automne prochain en levant le voile sur l'extrait Une envolée de ptérodactyles. Une envolée de ptérodactyles dans mon estomac à chaque fois que je te vois. Avec une pincée d'humour et une approche folk lumineuse, elle aborde le sentiment amoureux à son plus fort, au point où l'expression « avoir des papillons dans l'estomac » est remplacée par « avoir des ptérodactyles dans l'estomac ». Une envolée de ptérodactyles est disponible sur toutes les plateformes numériques. Le bloc s'est terminé avec le très bon groupe norvégien George Shaw, de leur album « George ». Et juste avant, c'était Head with Wings de leur disque Worry to Shame. Et on avait débuté avec la pièce titre du deuxième album de Astra qui s'appelle The Black Chord. Et on poursuit avec Fatal Fusion qui est un groupe norvégien aussi de leur album Total Absence. Ça va être la pièce titre. Et on termine ce bloc avec Hands de l'album Strangelet. At all. Thank you. Sleeping is

Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Theory of a Dead Man, plusieurs fois certifié platine, est de retour avec un nouvel album, C'est Nothing. Until then, please stay strong. The city's on fire. 10 nouvelles chansons, dont History of Violence, Strangers. We all live like strangers. Et la chanson titre, C'est Nothing. What do you want me to do? Theory of a Dead Man, le nouvel album, C'est Nothing, disponible partout. So why don't you say nothing then? Et c'était le groupe américain Hands, d'un très bon album. Moi, je ne le connaissais pas, celui-là, Srangelet. On a entendu Dark Matter. Et on avait débuté avec Fatal Fusion, avec la pièce-titre de Total Absence. Et on y va encore avec un long voyage, là, avec un autre groupe norvégien, Magic Pie, qui ont sorti un très bon disque qui s'appelle Fragment of the Fifth Element. On va entendre The Hedonist, et ce sera suivi de Rufus, un extrait de Ranchart. Thank you.

Le groupe légendaire Green Day est de retour avec leur très anticipé nouvel album Father of All, inclus Fire, Ready, Aim et la chanson-titre Father of All. Green Day, le nouvel album Father of All, disponible partout. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Le Bal du Lézard, un incontournable depuis plus de 30 ans. Une ambiance sympathique, une clientèle éclectique et une programmation culturelle variée. Jeudi le 5 mars, soirée jazz rock avec le groupe Tertio de Montréal. Vendredi 6, les vendredis transmission avec DJ Dan Rochette. Samedi 7, soirée blues rock avec Blue Statement. Et samedi 14, on annonce la Saint-Patrick avec le groupe de chansons Irish, les Stout. Venez découvrir notre sélection de microbrasseries locales et québécoises à prix d'amis en plus. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. C'était le très bon groupe Rufus de leur album Ranchat, on a entendu. Fallen Wonders, c'était précédé de Magic Pie avec la pièce des Hédonistes. Et on poursuit avec le groupe luxembourgeois. No Name, il n'y en a pas des tonnes, hein, des groupes qui viennent du Luxembourg. Et leur album s'appelle Four, Watan Vision. Et ce sera suivi de Chiave di Volta, de l'album Ritratto. Libéraux. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Involutioni Rapide. racing for the right direction. Is this what I'm banished for? Or is it a matter of time? Drop from the sky. You release. He falls on top of the world. This fate is sent. Drop from the sky. Chiave di Volta, un extrait de Ritratto Libero, et on avait débuté avec No Name de l'album Four, et on se quitte avec Idria Space Folk de leur premier EP. On va entendre Kafar One ou Kafar I, on ne sait pas si c'est un ou oui. Et donc, restez à l'écoute pour l'émission L'Autoroute, et nous, ben, ça termine cette semaine. Donc, bonne semaine.